Si tous les Québécois avaient 5 minutes avec Jean Charest, il voterait pour. Ça, je suis persuadé de ça. C'est un homme qui aime le Québec, qui a une fierté d'être Québécois. C'est un homme qui aime la position du premier ministre du Québec, qui travaille très fort. Puis c'est un homme qui veut développer le Québec. Puis sur le dos des jeunes. Il fait partie du top 13 des plus beaux hommes du Québec dans le Éco-Vedette. Il est sûrement en 13e position. Heureusement, il est en première position de notre palmarès des meilleurs animateurs de notre émission. Voici Jean-Philippe Vautier. Hey, merci. Merci tout le monde. 13e position, Fred. Oui. Bonsoir, Fred. C'est pas mauvais. Non, je sais. Bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h et la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de retourner votre superbe Speedo bleu que vous aviez acheté parce que vous ne pourrez pas l'utiliser. Il y aura des élections en septembre. Ben oui, Fred, ça va? Bonsoir. Bonsoir, Jean-Philippe. Hey, franchement. Vous savez que l'élection tombe le lendemain de l'anniversaire de mon fils et je trouve ça franchement dégueulasse. Ben, j'aurais peut-être pas jusque-là, mais Norm Macmillan l'a dit, ça va être des élections sur le dos des jeunes. Puis je trouve ça le fun qu'ils nous avertissent d'avance. Oui. C'est clair. Oui. En même temps, hein? Mais j'espère qu'ils ont le dos large parce que Norm. Ben, ouais. En même temps. Ouais, non. On ira pas là. De toute façon, il sera même pas là pendant la campagne électorale estivale. T'as assez demandé d'ailleurs si les libéraux veulent vraiment que les gens aillent voter, faire ça en plein été. Ouais. Moi, j'ai entendu la rumeur que Jean Charest aurait préféré un scrutin le 32 août. Oui, le 32 août, c'est une belle date. Il y a plein de monde qui peuvent y aller le 32 août, mais en même temps, on est en année bisextile. Donc, c'est pas fou. Hein? Non, mais une chose est sûre, ce sera la première campagne électorale de l'ère des médias sociaux. Et il y a François Legault hein, qui n'a pas hésité à entrer dans la danse cette semaine pour ceux qui sont sur Twitter. La première journée sur Twitter, il a fait 50 tweets en une seule journée. Il faudrait quand même lui rappeler une des règles de base des réseaux sociaux. Do not tweet and Beaujolais. Non, hein? Non. Ne tweetez pas et ne buvez pas. Dans son cas, je pense que c'est champagne. Ah oui, do not tweet and champagne. Ouais. Je vous donne des exemples d'ailleurs. Mardi dernier, je le cite, là, des garçons me disent que 2 heures d'éducation physique par semaine, ce n'est pas assez. Des garçons. Ouais. C'est pas... Enfin. ou encore, chez moi, Sainte-Anne-de-Bellevue, on jouait tous au hockey l'hiver et au baseball l'été. Oui. C'est un gars qui est proche du peuple. Ne pas faire l'inverse. C'est-à-dire, ah oui, pas jouer au baseball l'hiver. Puis, ouais, non, c'est vrai, c'est tellement embêtant ça. Et toujours mardi, Legault tweet, les filles attachent moins d'importance au salaire que les garçons. Coudonc, c'est qui les garçons? Ben honnêtement, oui. C'est qui ces garçons-là? Ben oui. À mon avis, c'est un chef scout, François. Peut-être. Un qui n'est pas un chef scout, c'est Richard Marcotte, le maire de Mascouche, qui s'est finalement pointé au conseil de municipal, évidemment, juste à temps pour renouveler son congé sabbatique payé. Il faut quand même le faire en 90 jours de sabbatique. C'est d'absentéisme. Ben, c'est énorme. Tu sais que Mascouche a maintenant un nouveau slogan? c'est plus. C'est quoi? C'était Mascouche Manchante? Ouais, non, c'est maintenant Marcotte Man. Ah, attends. Non, je peux pas aller là, okay. Je chuchote à l'oreille. En fait, parlant de se faire entuber, voilà. Merci Fred. Il y a des centaines de scientifiques qui ont manifesté à Ottawa afin de dénoncer les coupures dans le domaine de la science. Le gouvernement d'ailleurs souhaite recentrer les recherches sur des objectifs rentables, comme par exemple les recherches sur la reine ou sur les courses de chars. Ben oui, la course de NASCAR de Montréal qui va recevoir 800 000 en fonds publics. Non, mais moi, si j'étais scientifique là, puis que je voulais garder ma job, j'organiserais des courses de bactéries. Oui. Tu sais, comme le premier qui va contaminer quelqu'un. Il y en a plein dans nos hôpitaux, anyway, avec ces difficiles. Là. Ça serait des petits numéros hein, sur les voitures, par exemple. Des petits numéros. Et parlant de microbes, il y a Johnny Hallyday qui était à Québec. C'est une facile, mais toujours drôle. qui était donc à Québec cette semaine et paraît que c'était rien de moins que fabulous. Oui, sauf qu'il paraît aussi que l'éclairage était très faible. Oui, on voyait. Mais moi, je pense que c'est parce que les lumières créent une chaleur, puis le visage de Johnny fond. Ah, voilà. Si c'est trop chaud, il faut que tu le remontes. Il fait la chandelle. C'est ça, exactement. Ouais. Bon. cela dit, il sera pas le seul à fondre ce soir parce que, là, je parle à vous, mesdames, parce qu'on reçoit comme invité Gabriel Nadeau-Dubois. Ah. Et lui, franchement, il me fait de quoi? Wow. Vous, Fred? Ah ouais, non, moi, écoute, je fais la chandelle. C'est ça. Mais quand même, messieurs, vous ne serez pas en reste parce qu'on reçoit la chef du Parti québécois, Pauline Marois. Hein? Hein? Oui. Ah, mais d'ici là, on peut respirer parce que la soirée est encore jeune, tout le monde. Bon. avant d'aller plus loin, Olivier Niquette, technicien en informatique à Radio-Canada. Oui, qu'est-ce que vous faites encore ici? À ben, c'est en triple, hein, le vendredi. Ah, c'est ça. Oui, alors, je vous invite sur notre site radio-canada.ca/la soirée pour y trouver nos adresses Twitter, Facebook, ainsi qu'un extrait où Norm Macmillan dit qu'il y a beaucoup de bouffonnerie dans Jean Charest. Hein? Il est fin. Allez-y, c'est beau. Bon. Encore une fois, grosse semaine d'actualité. Ah ouais. Et demain, c'est la fête des Français. Et est-ce que vous saviez qu'une Française sur deux, j'ai appris ça récemment, là, préfère faire l'amour légèrement enivrée? Ah ouais, une sur deux? Oui. Puis l'autre? Chaude, bien raide avec Dominique Strauss-Kahn. Normalement, okay. Là, c'est ça. C'est toujours le fun de faire l'amour un petit peu chaud. Hein? Prême? Non, OK. Oh oui, c'est le fun. Non, je dis ça comme ça. On fait la chandelle. On s'en parlera. Les élections s'en viennent et le départ de Norm Macmillan le prouve. Hein, comme on le sait, dans ces situations, on entend trop souvent comme excuse les fameuses raisons familiales et personnelles. Ben, il est clair, nos politiciens manquent d'imagination. C'est pourquoi on a décidé de leur présenter le top 5 des autres excuses pour se retirer de la vie politique. Alors, la cinquième meilleure excuse pour se retirer de la vie politique... Parce que ton anglais s'est pas amélioré depuis 9 ans, fait que tu peux pas jaser avec les donateurs du parti. Ah ouais. Ça, c'est bien important. C'est ça. Pas pratique, ça. La quatrième meilleure excuse pour se retirer de la vie politique, parce qu'après avoir passé 4 fins de semaine à sa gare dans la dernière année, t'as envie d'autres défis. Ouais. Puis ça, c'est vrai. Pas hein, facile, ben non. Là, hein. Hey, tu manges sans arrêt. La troisième meilleure excuse pour se retirer de la vie politique, pour te concentrer sur ta nouvelle passion, l'exploitation pétrolière sur l'île d'Anticosti. Puis ça, c'est beau, l'île d'Anticosti. Il paraît que c'est magnifique. C'est vrai, dépêchez-vous. Ouais, on va en profiter. Ouais. La deuxième meilleure excuse pour se retirer de la vie politique, parce que la ville de Québec, là, c'est plate en Saint-Siffleux d'Anatole. On le dit jamais assez. C'est vrai, ça. Puis on est gentil. C'est pas moi qui l'ai écrit, là, mais quand même. Et la meilleure excuse pour se retirer de la vie politique, pour faire du bénévolat et redonner à la communauté italienne. Ouais! Merci Fred, premier invité. Notre premier invité revient d'une séance d'endoctrinement en Ontario avant d'entreprendre le grand bond en avant du Québec en septembre. Surnommé l'ange Gabriel en France, c'est pourtant le diable pour bien les libéraux. Accueillons Gabriel Nadeau-Dubois. Ah! Gabriel! Oui. Une bien? C'est rare que je prends ça de la bière, c'est vrai. Mais c'est la belle vie ce soir. Ben, je comprends, mais là, je vous demande même pas vos cartes. Diaz, plus. Hein? Si je vous demandais vos cartes, ce serait plus compliqué. Oui. Je suis pas capable d'ouvrir celle-là. Donc, vous pouvez pas. OK, okay. Bon. Gabriel, on va se dire les vraies affaires. On vous a moins vu au courant des dernières semaines. Oui. Et honnêtement, ça a fait du bien à beaucoup de monde. J'imagine, ouais, surtout aux libéraux. Ah, nous aussi. Au hein? Vous aussi, oui. Ouais. Ouais, ben, on vous voyait tout le temps. C'est vrai, ça doit être un peu tannant. Mais là, j'imagine... Ben, à la longue, ça devient tannant. Mmh. Mais là, j'imagine que c'est fini parce que vous êtes de retour. Hier, vous avez annoncé en conférence de presse une grande tournée à travers le Québec pour faire la promotion de votre manifeste que j'ai ici. Là. Oui. Nous sommes Avenir. Oui. Manifeste de la classe. Donc, parlez-nous un peu de Nous sommes Avenir. Ben, depuis le début de la grève étudiante, ouais. Les libéraux ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour qu'on parle de bien des affaires, mais pas vraiment des enjeux de fond. Pas vraiment de... Pourquoi augmenter les frais de scolarité? Pourquoi on ne devrait pas les augmenter? Ouais. Qu'on devrait plutôt se diriger vers la gratuité scolaire? Et nous, on s'est dit, là, c'est l'été, les gens ont du temps. Pourquoi pas aller les rencontrer, aller leur parler, puis parler des valeurs, puis des idées qui habitent la jeunesse qui s'est mobilisée tout au long du printemps. Puis ces valeurs-là, évidemment, elles concernent l'éducation publique, mais elles concernent aussi l'égalité homme-femme, elles concernent aussi la démocratie, l'écologie. C'est des valeurs, je pense, dont on a parlé plus que jamais dans les derniers mois. Donc, faire une campagne estivale, c'est original. Oui, hein, quand ben, même. On vous allez faire compétition avec M. Charest. On a été surpris nous-mêmes que les élections soient aussitôt quand même. On croyait avoir le temps. Aussitôt, oui. Oui, OK, d'accord. Aussitôt, oui. Parlant d'avenir, justement, vous voulez parler des frais de scolarité. Évidemment, vous vous êtes battu pour avoir une gratuité scolaire. C'est dommage. Je viens d'apprendre que les manifestations ont coûté 7,3 millions de dollars en temps supplémentaire au service de police de la ville de Montréal. Ça, c'est un beau 7,3 millions qui pourrait aller directement à l'éducation. Moi, je ferais le switch n'importe quand, en fait. C'est vrai? J'accepterais n'importe quand d'arrêter de manifester si on acceptait de mettre cet argent-là en éducation. Oui, 7,3, c'est un peu mince, mais bon, si vous êtes facile à négocier ça. Comme ça, on c'est va le faire. Je vais le dire à M. Charest. Non, mais il en faudrait un peu plus quand même. Mais si on met ça avec les fameux chiffres de la Sûreté du Québec qu'on connaît pas encore, si on ajoute à ça les coûts administratifs qu'a entraîné la grève étudiante, je trouve qu'on a un beau deux belles années de gratuité scolaire avec ça. Mais là, c'est un peu de votre faute quand même, ça. Je veux dire. Honnêtement, ben, ma faute. Personnellement, pas. Pas tout à fait. Ben, on imagine, mais... Mais ben, oui, je veux dire, quand les jeunes ne se sentent pas écoutés, mm-hmm. ben, ils descendent dans la rue. On n'est pas les premiers à l'avoir fait au Québec. Hein. Et puis, c'est sûr que ça entraîne des coups. C'est pas pour ça qu'on manifeste, mais on pourrait dire des dommages collatéraux. Mais bon, vous avez tout à fait raison. Cela dit, vous êtes en train d'ailleurs de... Non, je sais. Collatéraux. Mais là, vous êtes en train de vendre votre programme et votre... comment on appelle ça? Votre manifeste de la classe, d'ailleurs, que je trouve superbe. En 8 pages, 8,5 par 14, qui n'est malheureusement pas broché. Ouais. Donc, c'est une démocratie sans brocheuse, si je comprends bien la classe. Vous n'aviez pas le mandat de la broche. Non, pas encore. OK. Non, pas encore. Peut-être à votre prochaine. On travaille là-dessus. Okay, on a congrès samedi, je sais pas. Mais vous faites également une tournée de 10 villes ontariennes en 8 jours, dont le but, en fait, de cette tournée est d'expliquer au Canada anglais comment on fait pour construire un mouvement. Ouais. Les Anglais, ils ne savent pas comment se révolter. Ben, je... Bonne question. En fait, ben non, mais si vous sentez le besoin d'y aller. En fait, on a été invités. Ah, c'est vrai? C'est ça. Ils nous ont dit, en fait, « Oh my God, you guys are so inspiring. » En anglais, tout. Oui, et là, venez nous parler de comment vous avez fait pour faire un beau mouvement comme ça. Oui. Et on a dit oui, évidemment, pour essayer de partager un peu le savoir-faire ou l'expertise qu'on a eue en mobilisation. Je pense que c'est aussi notre responsabilité. Et est-ce qu'en Ontario, le message que vous partagez, qui est celui « Nous sommes le peuple », est-ce que ça écho là-bas? We are people, j'imagine. Là, j'imagine que je regarde sur ton petit iPad non, et tu vois qu'on va parler ça. De Mathieu Bock-Côté bientôt. Ah ben, il faut! On va en parler directement de cette phrase-là. Parce que nous il y a eu beaucoup d'incompréhension quand même. Ça me semble large, nous sommes le peuple. Pour les gens qui ont fait des cours de grammaire il n'y a pas longtemps, il y a une figure de style dans la langue française qui s'appelle la synecdoque. Et ça, c'est nouveau, ça, c'est avec la nouvelle orthographe, j'ai jamais entendu parler de ça. Oui, c'est la réforme pédagogique, t'es trop vieux, Fred. Désolé. Mais c'est une figure de style. Ouais, ouais. Et donc, ça veut dire que... En fait, c'est une phrase qu'on a écrite pour briser l'espèce d'opposition un peu absurde qu'ont construit les libéraux tout au long du conflit, mm-hmm. en nous disant, il y a les étudiants, il y a les honnêtes travailleurs, travailleuses, et les étudiants et étudiantes sont en guerre contre les travailleurs, travailleuses. Et nous, on voulait dire, non, on se bat pas contre le monde, on fait partie du monde. Justement, la semaine dernière, on recevait Gilbert Rozon qui voulait offrir des billets au vrai monde. Le vrai monde puis le peuple, c'est-tu le même monde? Ben, le vrai... Oui, je pense que le vrai monde est une partie du peuple, j'imagine. En tout cas, visiblement, le peuple, c'est pas Mathieu Bock-Côté, parce qu'on en parlait, il a répondu à votre « Nous sommes le peuple », et il l'a écrit dans une chronique « Non, vous n'êtes pas le peuple, vous êtes une organisation militante située à gauche de la gauche. Vous dites que le Parlement ne représente pas vraiment le peuple, et vous, d'où vient votre prétention à être le peuple? Il y a bien des limites à dire n'importe quoi. » Il n'y a pas tort. Il y a des limites à dire n'importe quoi. C'est assez drôle. On va y aller étape par étape. C'est assez drôle quand même de dire qu'une organisation qui demande la gratuité scolaire, la moitié des pays de l'OCDE ont la gratuité scolaire. C'est pas un projet d'extrême gauche. C'est un projet très, très réaliste. Il faut arrêter de déprimer ça comme nu. Tout à fait. Voilà. Le projet peut l'être. Oui, tout à fait. L'organisation, la classe, un peu plus radicale quand l'organisation, même. L'organisation qui a un fonctionnement démocratique dont on est très fier, un fonctionnement démocratique exemplaire, qui milite pour une réforme de la fiscalité, l'égalité homme-femme. Il n'y a rien d'extrémiste là-dedans. Ce qui est peut-être extrémiste, par contre, c'est la réaction qu'on a eue. Ce qui est peut-être extrémiste, c'est peut-être votre nouvelle collègue, Camille Robert, qui est la troisième porte-parole de la classe. Vous essayez de vous faire une équipe complète de porte-parole? Ben, disons qu'on essaie de dépersonnaliser. Dépersonnaliser. L'équipe de Balmol, il y en a 11. C'est ça, ils vont se faire une équipe de Balmol. Ouais. Ah, c'est une super bonne idée. Non, mais parce que vous voulez pas être le porte-parole de la classe, vous voulez pas être présenté comme la personne qui va être... je veux dire, cette tête d'affiche de ce mouvement-là depuis le début. On essaye de faire comprendre aux gens que ce mouvement-là, c'est ni Éliane Laberge, ni Martine Desjardins, ni Gabriel Nadeau-Dubois, c'est des centaines de milliers d'étudiants et d'étudiantes. Et puis, il y a eu toute une espèce de fixation, notamment sur moi. Puis, le congrès a dit, on va donner de l'aide à Gabriel et à Jeanne. On va lui Est-ce que c'est le bon déléguer? Mot de l'aide? Ou c'est pas plutôt comme, on va le slacker un peu parce qu'on est un peu tanné que ce soit juste lui? Il y avait dans le magazine Les Incorruptibles, qui est un magazine français que vous connaissez bien, j'imagine, parce qu'ils vous ont surnommé l'ange Gabriel. Ouais, les Français sont assez intenses. Ben oui. Mais au moins, ils ont eu votre nom correctement, parce que Jean-Jacques Sanson, aujourd'hui, dans le journal de Montréal, vous a appelé GNB, comme dans Gabriel Nadeau. Fait qu'on va l'appeler Jean-Gilles. Jean-Gilles Sanson. Ou on peut vous appeler aussi Monsieur Dolan, mais ça, c'est une autre histoire. non, mais c'est vrai. J'aurais une dernière question pour vous. Mais évidemment, vous allez rester dans l'émission, là. Mais Gabriel, qu'est-ce que vous aimeriez faire quand vous allez être grand? Ça, c'est une question... Non, mais... Oui, c'est une vraie question, ça. Quand je vais être grand... Oui. Je vais commencer par finir mon bac. Eh mon Dieu, c'est pas fait. Non, ça va pas vite avec la grève, tout ben, ça. C'est ça. Et puis, éventuellement, de maîtrise, j'aimerais bien ça enseigner. J'aime ça transmettre. Moi, c'est ce que j'aime dans le rôle que j'ai de porte-parole, c'est de transmettre. Puis je pense que c'est important de transmettre à la jeunesse des valeurs qui sont en perte de vitesse. Puis je pense que le métier de professeur, c'est un métier qui peut permettre ça. Il y a ça ou chef de parti politique. En tout cas, je dis je ça comme pas. Ça, on je en parlera avec Mme Marois dans quelques instants. Vous restez avec nous autres, Gabriel. C'est bien connu, hein, la justice sur les routes, ben, c'est la même pour tous, sauf si vous avez gagné des médailles en patinage de vitesse sur courte piste. Et si vous avez les cheveux bleachés aussi. Ouais. On pense évidemment à Marc Gagnon, qui malgré un taux d'alcoolémie élevé alors qu'il était au volant, a réussi à s'en sortir les mains propres. Mais quand même, la SAAQ a décidé de ne pas en rester là et a décidé donc de s'attaquer aux graves problèmes du sommeil au volant. On écoute. Être premier ministre du Québec, c'est pas un concours de popularité. C'est le moins qu'on puisse dire, surtout quand le Québec vit une période de turbulence. En politique comme dans la vie, il faut avoir le courage de ses convictions. J'ai fait le choix de la justice. Vous savez, si mon bâillement vous a fait bâiller, c'est peut-être que vous êtes aussi fatigué que moi d'écouter un premier ministre qui nous conduit nulle part. Le plan Nord, la corruption, le conflit étudiant, la dette qui a doublé depuis que le PLQ est au pouvoir. C'est pas censé nous endormir, ça. Hey, c'est pas rien. Il est supposé avoir les deux mains sur le volant, vierge. Bon. La fatigue est la troisième cause de décès sur nos routes. Et le sommeil collectif est la première cause de décès d'une société. Fait que réveillez-vous. Un message de Snooze Québec. C'est dramatique, ça, non? C'est un peu dramatique. C'est une belle voix. Très bon, j'adore. Ben parfait. C'est toujours à l'écoute de La soirée est encore jeune, en compagnie encore de Gabriel Nadeau-Dubois. Comme à toutes les semaines, notre intrépide reporter tout-terrain se trouve là où il faut être. Je parle évidemment de Jean-Sébastien Girard. Vous vous trouvez à quel endroit aujourd'hui, Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe, je me trouve présentement à la crèmerie Saint-Mathieu, dans le quartier Saint-Michel, à Montréal, pour célébrer la Journée nationale de la crème glacée qui va se dérouler dimanche prochain. Ben cool. Alors, pour l'occasion, j'ai voulu jaser crème à glace avec un propriétaire d'une bonne vieille crèmerie traditionnelle. Il s'appelle Alain. Il possède ce magasin depuis 26 ans. Véritable enfant de la balle. Il a grandi littéralement dans la crème glacée. Je l'ai avec moi. Alors, vous vous êtes trouvé un titre. Comment vous vous présentez exactement? Moi, je suis un crémologue. Bon. Excellent. Donc, c'est un commerce qui marche rondement. On sait que les Canadiens mangent 10 litres de crème glacée par année. Une affirmation qui donne froid dans le dos. Pourquoi on aime tant la crème glacée? Parce que c'est une récompense, puis ça me fait plaisir de la servir. OK, excellent. Et on voit ici que vous avez beaucoup de choix, 31 saveurs différentes de crème molle. Entre vous et moi, est-ce que c'est pas un peu exagéré? Mais non, il y en a 900 quand on fait des mélanges. Fait des mélanges. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui prennent la saveur pina colada? Oui, surtout les Espagnols, les Latinos, ils aiment pas ça. Oui. Bon, c'est bien beau la crème glacée, c'est bon en taberne, mais ça fait engraisser. 25 000 Canadiens meurent tous les ans d'obésité. Est-ce que vous avez parfois l'impression que vous êtes un peu en train de tuer le Québec à petit feu? Ben non, je mange du yogourt glacé, 1% de gras sans sucre avec des fruits naturels, c'est délicieux. Et ça, c'est sans danger? C'est sans danger, ça réduit le taux de cholestérol. C'est vrai ça, est-ce que c'est bon quand même? Ben oui, c'est merveilleux. Excellent. Moi, je vais vous prendre une grosse slush parce que vous annoncez ici que vous avez la meilleure slush en ville. Moi, j'ai toujours un petit problème. J'ai arrêté d'en boire parce que j'ai toujours des crampes dans la tête. Qu'est-ce que vous faites contre ça? On la laisse fondre tranquillement dans son palais. On la laisse savourer, là. Alors, on la laisse fondre dans son palais. C'est le conseil que je retiens. Et je vous reviens un peu plus tard, Jean-Philippe. Je vais parler un petit peu avec les clients qui sont ici. Okay. Un petit vox pop de crème à glace. Vous êtes indispensable pour le journalisme, Jean-Sébastien. Je sais. Merci beaucoup. À tout de suite. Il ne parle pas de crème glacée, mais des vraies affaires. C'est le temps d'écouter la chronique masculine de Fred Savard. Oui, mais je vais parler des femmes. Ah, t'es femme? Oui, en fait, j'ai envie de m'adresser à Pauline Marois, qui est dans le fond du studio, ah, qui oui? nous écoute. Oui, Jean-Philippe. Avant qu'elle ne vienne s'asseoir à vos côtés, parce que malheureusement, j'ai le devoir de la mettre en garde sur ce qui l'attend à l'aube de sa première campagne en tant que chef du Parti québécois. Ah oui. Et là, je le dis tout de suite, j'avoue, j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour Pauline. Elle qui est apparue assez tôt dans ma vie de garçonnet politisé. J'en veux pour preuve mon pauvre père, Dieu et son âme, qui la détestait profondément. Il faut dire qu'il avait presque une bonne raison. Lui qui était l'organisateur de la campagne de Jean-Guy Carignan, le candidat défait à plate couture par Pauline lors de sa première élection en 1981 dans le côté de la Pelleterie. Depuis lors et jusqu'à sa mort, mon père affublait Pauline d'un quolibet qui ne se répète pas à la radio publique. public. Franchement. Ce qui est tout à fait étrange, puisque Pauline était le sosie parfait de ma mère à l'époque. Ah là, c'est drôle, en disant ces lignes-là, il y a plein d'explications qui surgissent sur le climat de l'époque à la maison. Freud. Ça, c'est 80 Freud revient, ils sont devenus fous. 80 de psy économisé, ça. Mais la question qui me hante et qui devrait tous nous hanter particulièrement ce vendredi 13 est la suivante. Est-ce que le Québec est prêt à élire une femme comme première ministre? Bon. J'ai bien peur que la réponse soit non. Prenez, par exemple, le fameux tweet qu'a écrit François Legault sur les femmes et les salaires. Bon, c'est vrai que sur un plan strictement économique, si les femmes choisissent des métiers moins payants parce qu'elles s'en sacquent du salaire, ça peut être alléchant d'avoir une femme première ministre. On sauvera au moins 20% sur la masse salariale. Et ajoutez-y en plus quelques ministres dans quelques ministères de seconde zone et le déficit fond à vue d'œil. Bon. Et notre bon gouvernement libéral nous a quand même prouvé que c'est pratique d'avoir des femmes ministrables. On peut se pavaner sur l'équité homme-femme tout en les utilisant pour faire les basses besognes. Oui, peut-être qu'on économise sur les salaires, mais on n'économise pas sur la facture sociale. Et une fracture sociale, ouais, ça coûte cher. Mais dans les faits, nous sommes encore dans le deux poids, deux mesures quand il s'agit des femmes en politique. On leur scrute la garde-robe. Faut pas que ce soit trop laid, mais en même temps, si elles portent des vêtements griffés, on les traite de snob. Pourtant, Jean Charest ne s'habille pas chez Moores. Et André Boisclair était assez coquet, merci. C'est sans doute vrai, hein, que vous n'avez pas été habile, Pauline, avec la patate chaude et frais de scolarité, mais ce n'est rien comparé à notre gouvernement en place. Pourtant, ce sont vos tergiversations qui restent dans la mémoire des gens. On dirait bien qu'on accepte moins facilement qu'une femme tergiverse, alors qu'un homme peut tergiverger comme bon lui semble, et ce, autant dans la vie publique que la vie privée. Et que dire de votre présence lors des manifestations des casseroles? Le PLQ en a même fait des publicités au goût plus que douteux. Pourtant, la population aurait dû être contente. On aime tellement voir les femmes derrière des chaudrons, que ce soit en fonte ou en complet cravate. J'ai beau vivre dans une province patriarcale tout à fait bancale, je refuse de me résigner. J'ai l'intime conviction qu'on devrait élire une femme à la tête de notre nation, autrefois source de fierté. Que ce soit vous ou Françoise, David, je le spécifie pour pas être accusé de partisanerie. Et l'Islande l'a bien fait, hein? Et le Costa Rica, l'Argentine, le Brésil, l'Inde l'a fait. Même le Malawi l'a fait. Et sachant que notre PIB est en voie de se comparer au Malawi, me semble qu'on est rendu là, nous autres aussi. Puis, hey! Qu'est-ce qu'on a à perdre, hein? Ça fait 3000 ans qu'on élit des avocats ici. Tous membres du barreau du Québec, ils ont effectivement dirigé le Québec avec la préscience d'un barreau de chaise. Sans tomber dans les mauvais jeux de mots de mobilier. C'est trop tard. Je pense qu'il est temps de mettre la table pour autre chose. Alors, je veux souhaiter bonne chance à Pauline pour la prochaine campagne. Et voilà, c'est ce que je voulais livrer. Je pense qu'on est dû pour une femme comme première ministre, non, franchement. C'est une lettre d'opinion pour le devoir, ça? Oui, ben j'espère. Vous êtes trompé d'émission. Ben j'espère. J'ai envie d'avoir mon 80$, ouais. Merci beaucoup, Fred. On retourne discuter avec... Ouais, on peut l'applaudir quand même. Quand même. On retourne discuter avec l'ami Jean-Sébastien, qui est toujours en compagnie de Crème en glace. Oui. La crème à glace à la crèmerie Saint-Mathieu dans le quartier Rosemont. Oui. Pour souligner toujours cette journée mondiale de la crème à glace, on a parlé aux propriétaires. Je veux parler maintenant à des gens de la clientèle. Pardon, madame? Madame? Oui. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de prendre? Un banana split, monsieur. Ouais, c'est pas un peu exagéré, ça. Vous avez 3 sundaes là-dedans. Oui, mais une fois par année. C'est pas péché, là. Oui. C'est une banane royale en France. Oh, excusez, monsieur parle bien, quand même. Pour quelle émission, ça? L'émission La soirée est encore jeune, avec le petit Jean-Philippe Potier. Il y a des mains quiz à Télé-Québec. Pas sûr. Il y a des mains quiz. Puis, tu es très élu, le plus bel homme du Québec, selon le Éco-Vedette. OK. Oui, je vois ça, là. Ben oui, il est beau, là, mais le plus bel homme du Québec, pas sûr. Non. Vous êtes plus Guy Provo. Ben non, pas Guy Provo, quand même. Nadeau, peut-être. Ouais. Le petit Gabriel Nadeau, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ben, le tout petit Gabriel. Oui, le petit Gabriel, mais il y a des bébés un peu. Mais vous, par exemple, vous êtes beau. C'est bien fait. On va vous le payer, votre banane split. Parfait. Alors, je vais aller manger un banana split avec madame. C'est quoi votre nom? Louise Leblanc. Bon, Louise Leblanc. Je vais aller manger un banana split avec Louise Leblanc, puis je reviens tout de suite, Jean-Philippe. Merci, Jean-Sébastien. Hey, c'est un gros plus dans l'émission, ça? Je pense que oui. Fred, le deuxième invité. Je pense qu'on pourrait... Première chef d'un parti qui peut potentiellement prendre le pouvoir, cette dame de béton s'apprête à vivre sa première campagne électorale à la tête du PQ, à moins qu'il y ait une autre crise au parti dans les prochains jours. Voici Pauline Marois! Ah. Oh, une petite cuvée boréale. Dieu m'en préserve d'une crise au parti. Non, je crois qu'on. Trois semaines. On va être bon. Je peux pas croire. Je pense qu'on va y arriver. Je vous le souhaite. Est-ce qu'il n'y en est pas? Madame Marois, bienvenue à Radio-Canada. Ça me fait plaisir. Vous êtes un peu comme chez vous ici, hein? À Radio-Canada. Juste parce qu'en fait, d'ailleurs, avant que vous arriviez, on a fait tout sortir des journalistes. Hein. On avait assez peur que vous en ramassiez d'autres. C'était un nez capéquiste. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Là, mon Dieu, que je suis pas vite. Je vous voyais vite aujourd'hui. Je vous voyais vous promener, puis je stressais. J'étais là, non, mais Maud Denis est seule. Ramassez-la. Peut-être qu'elle va en débaucher un autre. J'ai assez peur. Fait que le reste est assez proche. En tout cas, j'en débauche des bons. Oui, bien là. En tant qu'à y être, là, je suis prêt d'aller chercher parmi les meilleurs. Des bons quoi, là? Des bons journalistes ou des bons candidats? Des bons candidats. Ah oui, ben qui, c'est en ça, plus, c'est ça. Sont des grands journalistes talentueux. Oui, avec une belle opinion. Et je vais avoir une maudite belle équipe. Ben c'est ça, parce que là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous construire toute une équipe pour l'été qui s'en vient. Là, il vous reste quelques semaines de vacances. Vous allez prendre des vacances aujourd'hui? Ben, je vais prendre quelques jours, oui. Parce que je crois que c'est important. Déjà, d'ailleurs, actuellement, j'arrête un jour ou deux, et puis je recommence, comme je viens vous voir aujourd'hui, là, alors que j'aurais dû être en vacances. Ça, c'est gentil, c'est pas pareil. J'ai lâché mes vacances, venir vous voir, quand même. Mais faites du démarchage en même temps, là, non, j'ai lâché mes vacances, venir ici. OK, d'accord. Mais pour vous rencontrer quand même, Gabriel, ça vaut la peine. Vous préférez moi ou Léo? Je connais, c'est une excellente question. Je connais plus Léo que vous. Oui. D'accord, ça parce que pas. J'ai eu l'occasion d'échanger avec lui, radical, avec Martine aussi. Non, mais moi je l'aime bien, Gabriel. Même si on pense pas toujours pareil. Non, c'est clair. Je l'aime beaucoup. Mais avec je Gabriel, le respecte. On n'échange pas, on te donne, hein, parce que gratuité, c'est ça. Madame Marois, j'espère que vous avez rien prévu pour votre long week-end de la fête du travail. Non, d'après ce que j'ai compris de M. Charest, lui a prévu quelque chose Nous. Visiblement. Oui, c'est ça. Mais vous avez suivi les conseils de notre premier ministre, vous prenez ça off de temps en temps, c'est important de recharger les batteries, il l'a dit. Hein? Absolument. Tout à fait. D'ailleurs, il pourrait laisser les Québécois recharger leurs batteries pendant le mois d'août, finir leurs vacances, il me semble que ça aurait du bon sens, plutôt que de les faire aller en élection en espérant que personne n'écoute ce qui se passe pour faire oublier son bilan. Mais je vais vous dire quelque chose, des pancartes électorales au soleil, c'est quand même plus beau que dans slush. Ça, c'est vrai. Puis c'est plus facile à poser aussi. Ben oui. Hein? Ça a un avantage énorme. Mais il aurait pu attendre en septembre. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas testé ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas testé ça, une élection pendant l'été. Puis les élections pendant l'hiver, visiblement, pour vous, ça ne fonctionne pas. Ça n'a pas été très bon la dernière fois. Qu'on va s'essayer l'été. On n'était pas trop mal quand même. On a ramassé 52 comtés. C'est pas trop mal, c'est pas une victoire, ça. Ça, c'est vrai. C'est une victoire morale. Oui, je sais bien. On veut plus des victoires morales. Là, on sent. Je pense que Benoît Aubin qui disait que cette campagne, cette campagne-là allait être une campagne extrêmement violente. Hein? On l'a vu avec la première publicité, en fait, une des premières publicités où on vous voit avec essayant des casseroles. De me caricaturer, absolument. Etc., utilisant une vidéo amateur qui avait été mise même sur notre site. Hein. Mais je trouve ça fascinant, ça, parce que, il y a les gens qui ont perçu ça comme une publicité négative. Oui, c'est une publicité qui peut être négative, mais vous étiez fiers quand même de faire cette marche-là. Oui, j'ai jamais regretté d'être avec le peuple, avec les citoyens, échanger, à causer. Moi, on veut les représenter. On veut les défendre. Il faut aller les rencontrer. D'ailleurs, moi, j'aimerais ça. Je trouve que M. Charest, au lieu de me caricaturer, il aurait dû y aller, lui, dans la rue. Ben, c'est justement ce que je me posais comme question à la Marois. Et là, je vais vous offrir mes services de relationniste. Et d'accord. Je ne charge pas si cher que Êtes-vous ça. Talentueux? Assez, oui. Et là, je me alors, disais... J'accepte. Si vous êtes... Il n'est pas juste beau. Si vous êtes... Il est talentueux en plus. Oui, en plus. Ben, Gabriel Fimon se ressemble pas mal. OK. Si vous étiez si fier. Est-ce que vous voulez que je m'en aille? Non. Yeah. Voulez-vous que je vous dise un secret? Quoi? C'est ma réalisatrice qui attend que Gabriel sorte de la pièce pour... D'accord. Ah oui, elle est comme ça. Elle a un œil sur lui. Oui, tout à fait. Mais bon, pendant ces manifestations-là avec la population, vous étiez donc fier de faire cette manifestation-là. Et là, le Parti libéral du Québec vous met en scène dans une publicité négative. Oui. Je me disais, moi, pourquoi vous ne ramassez pas ces images-là? La même publicité, mais à la fin, au lieu du logo du Parti libéral, vous mettez le logo du Parti québécois. Et là, tout d'un coup, ça revire de bord et les gens se rappellent de ce bon coup de publicité et ça va faire 150 $. Vous n'êtes pas trop cher. Quand vous je vous pas dis trop que cher. Je suis pas cher. Mais avouez, non, je veux dire, vous étiez fier de ça. Ben oui, j'étais très fière de ça. Et d'ailleurs, je vous dis, on l'a même mis, nous, sur notre site. Parce que j'étais allée encourager des citoyens qui contestaient, qui étaient en désaccord avec les politiques du gouvernement, parce que cette manifestation des casseroles, ce sont les citoyens qui s'opposent aux politiques du gouvernement. Ils ont pris parti dans le cadre de la crise étudiante, mais ils ont pris parti sur autre chose. Ils sont contre les gaz de schiste, ils sont contre la façon dont, dont le gouvernement gère nos ressources, gère nos impôts. Ouais. Et c'est pour... faire un coup de pub, c'est exactement ça qu'on, c'est à ces gens-là qu'on veut aller parler avec nous. C'est vrai, avec votre petit manifeste. Ces gens-là qui ne s'opposent pas seulement à la hausse des frais de scolarité, mais à la direction générale que prend le Québec. Mais Gabriel, est-ce que vous êtes en train de me dire que le petit manifeste que j'ai là avec le logo de la classe, je pourrais juste changer pour mettre le logo du Parti québécois? Je ne crois pas. quand même. Okay, on a certains désaccords. Ah, mais moi, j'ai lu cependant le document. C'est pas long, ça aide. Ça aide, mais je suis capable de lire longtemps par ailleurs. Oui, inquiétez-vous pas, rassurez-vous. J'ai pris des cours de lecture rapide. En plus, quand j'étais plus jeune. Ça aide énormément. Oh, oui, pour bouffer 4-5 journaux le matin. Là, bon. Mais cela étant, je l'ai lu. Et puis, je trouve que c'est très intéressant. Parce que, dans le fond, ça interpelle la population québécoise. Ça interpelle les citoyens. On peut être d'accord ou pas, mais je crois qu'on ne peut pas être en désaccord avec le fait qu'il y a des débats, qu'il y a des discussions, qu'il y a des échanges. Et puis, c'est de cela que viennent souvent les meilleures idées. Vous parliez des choses qui rejoignent la population. Oui. Donc, ce qu'on peut trouver dans le manifeste de la classe. Mm-hmm. Mais vous avez parlé de vos priorités pour la prochaine élection, la langue et la souveraineté. Oui. Pourtant, les sondages nous indiquent que c'est assez loin dans la liste de la priorité des gens. Oui, mais c'est pas que c'est loin que c'est pas nécessaire. Non, je suis absolument d'accord. Et que c'est pas souhaitable et qu'on ne doit pas en parler. Et quant à moi, je vous dirais qu'être souverain, ce serait justement être capable de prendre toutes nos décisions en matière linguistique, puis pas se faire casser nos politiques puis nos lois par la Cour suprême du Canada. Être souverain, c'est aussi s'asseoir à la table des nations puis défendre notre diversité culturelle, défendre la diversité linguistique. Être indépendant, c'est être capable de négocier nos accords au niveau de l'aide à l'agriculture, par exemple, où on sait qu'à chaque fois qu'il y a des accords internationaux, c'est menacé. Être à la table des nations, c'est de faire valoir notre point de vue, je pense, comme un État ouvert sur le monde. Une place qui se libère, la Grèce va débarquer bientôt. Là. Ben oui. Hein. on pourrait se faufiler. En plus, mais Mme Marouane, vous parlez de ces sujets-là, mais évidemment, qui présuppose qu'on va avoir la souveraineté, qu'il faut faire la souveraineté. Oui. Donc, vous devrez parler de souveraineté. Absolument. Et... absolument. D'ailleurs, on a un plan d'action qui prévoit qu'on se remet en branle vers la réalisation de notre projet, vers le projet d'un pays, de la naissance d'un pays du Québec. Et pour ce faire, on va en faire la démonstration. Si les gens ne veulent pas en entendre parler de souveraineté, comment on fait dans ce temps-là? Bien, on le démontre très concrètement. Mais là, je vous ai les deux, là, Gabrielle Nadeau-Dubois et Pauline Marois. J'ai envie de poser la question immédiatement, Gabrielle. Vous allez voter pour qui, vous? À la classe, on a une position... Non, excuse-moi. Avez-vous le mandat de le dire? je vais recommencer la question. Gabrielle! Mais la poses parce que tu sais que je ne peux pas y répondre. Mais personnellement, là... Personnellement, je veux dire... Moi. Mais je dis ça parce que votre ancien attaché de presse est maintenant militant pour Québec solidaire. Oui, j'ai appris ça via Twitter, moi aussi. Ah, c'est son choix personnel. Il n'est plus en mandat. Il est libre de faire ce qu'il veut. De s'impliquer politiquement comme il veut. OK, d'accord. C'est bien, moi, je respecte ça. Madame Marois, vous... Mais moi, avez... je sais pour qui je vais voter, par exemple. Ben, dans le comté de Charlevoix... dans le comté de Charlevoix. C'est une belle place. Il y a une bonne candidate. Vous avez appuyé, évidemment, les étudiants avec leur cause, et vous avez porté longtemps le carré rouge. Et là, je vois que c'est transféré par ma fleur de lys du Québec. Là, j'ai de la misère un peu à vous suivre. Pourquoi? Dites-moi. En 2007, vous étiez pour la hausse, et là, vous n'êtes pas pour la hausse. Bon. Et là, vous avez porté le carré rouge. Bien. Et là, les élections s'en viennent, vous n'avez plus le carré rouge. Complètement. Bon, d'abord, le carré rouge a été démonisé par M. Charest, vous le savez, et malheureusement, à tort, parce que je crois qu'il n'a jamais représenté la violence, il n'a jamais représenté l'intimidation, et je peux vous dire que je porte profondément les demandes des gens qui portent le carré rouge, et je vais continuer à le faire, d'accord? M. Dubois ne l'a même pas. Non, c'est vrai, il ne l'a pas. Il l'a pas, mais là. Mais cela étant... Je le donne tout le temps au monde. L'important, c'est ce qu'on entre les deux oreilles et ce à quoi on croit. Mm-hmm. Et quand vous faites référence à des positions qui ont pu y avoir lieu dans le passé, jamais le Parti québécois, jamais le Parti québécois n'a proposé une hausse des frais de scolarité autrement que l'indexation, et c'est ce que l'on propose maintenant. Et en plus, il y en a eu une augmentation des frais de scolarité, et à mon point de vue, c'est trop. Et ce qui est proposé n'a pas d'allure. Notre position, elle est simple. On annulerait la hausse des frais de scolarité telle que décrétée par M. Charest. On convoquerait un sommet portant sur l'enseignement supérieur auxquels les étudiants seraient conviés. Même et seraient... la classe. Même la classe. Parce que c'est des moi, classes. J'ai pas... moi, j'ai pas de problème avec ça. Quand M. Charest, là, vous ne pouvez pas savoir comment il m'attaquait à l'Assemblée nationale. Oui, on l'a écouté une couple allez de fois, vous, c'est le fun. Allez-vous, vous, Mme Marois, vous asseoir avec la classe? Vous souvenez-vous, Gabriel? Oui, il m'a dit ça souviens. 25 fois. Ben le oui. lendemain, il s'assoyait avec la classe. Ah bon? Ah, ça, j'ai dit, vrai. Là, c'est pas honteux comme ça. Là. Vous pouvez vous asseoir à la classe, mais vous, vous vouliez pas que moi, je m'assoie avec la classe. Alors, notre position, elle est simple, oui. elle est compréhensible, et notre on déposera comme proposition sur les frais de scolarité, l'indexation des frais de scolarité, parce qu'on a encore un grand rattrapage à faire. Et les gens qui c'est veulent un discuter... grand débat, ça. Oui, oui, non, mais c'est un oui. grand débat qu'on ne fera pas ici, parce qu'on est non. vraiment... Là, mais j'ajoute une autre chose. J'ajoute une autre chose pour Gabriel. Les gens qui voudront discuter de la gratuité pourront le faire. Oui. On en débattra. Et la bon. Question que j'ai, moi, c'est la composition oui. du sommet. On en reparle plus tard, Gabriel. Mais moi, j'ai une dernière... Non, mais je entre deux skates sur la crème glacée. Exactement. Parce ça. Que j'aurais une dernière question pour Mme Marois. Parce qu'on oui. sait que l'exécutif du PQ de Trois-Rivières a rejeté la candidature de Léo Bureau-Blouin. Pourquoi vous dites qu'elle a rejeté la candidature? Ben, c'est écrit sur mon, sur mon papier. Ah, c'est... Il y a quelqu'un d'autre qui vous a écrit ça pour oui. vous? Oui, oui, oui. Ah, moi, j'écris rien, moi. Non, non, non. C'est un porte-parole, quoi. Pour Gabriel, est-ce que vous auriez une circonscription pour lui, parce que c'est fâchant, parce que, tu sais... À part Ongava, là. Ouais. Non, non, mais... Il est déjà pris. V'là deux mois, déjà là. Pris. V'là deux mois, Borduva, un très bon ouvert. Député. Un très bon député. C'était ouvert, Borduva, v'là deux mois. Borduva, il n'y a personne. Oui, parce Borduva... que théoriquement, là, v'là dix jours, c'est vrai. Vous ne saviez pas que Pierre Duchesne... Non, mais on avait... On souhaitait pouvoir lui demander de venir. Oh, vous aviez un feeling qu'il mais était péchiste, jamais, lui. Jamais, je ne lui ai parlé. Ben, on avait un feeling qu'il y avait une certaine sensibilité. Il t'écrit pas un trois tombes sur Jacques Parizeau en y mettant autant de passion, en ayant reçu un prix à cet égard-là, pour pas que t'aies un petit peu de sensibilité à l'égard de la question nationale du Québec. Pouvez-vous croire qu'à Radio-Canada, on s'en est même pas aperçu, nous autres. C'est parce qu'il était bon en maudit et nous plantait parfois. J'étais tellement fâchée certains jours. Là. Moi, j'avais un doute, j'avais une barbe. Okay. Madame Marois, merci, vous restez avec nous, Fred. Oui. Présentation, s'il vous plaît. Il épluche l'actualité comme si c'était des épis de maïs. Avec lui, la nouvelle pogne parfois entre les dents. Voici le billet d'Olivier Niquette. J'ai commencé la fin de semaine dernière en apprenant une nouvelle qui m'a beaucoup attristé. Jean-Charles Lajoie, bouffon et commentateur sportif, annonçait qu'il abandonnait sa chronique chez Dutrisac au 98.5 FM pour se concentrer sur l'anonymat que lui confère TVA Sport et ses 38 auditeurs. Heureusement, on risque de le revoir à l'avant-scène assez bientôt. Vas-tu te lancer en politique? Non, parce que l'élection est beaucoup trop proche. Non, mais es-tu ouvert à la sollicitation? Moi, je suis ouvert à n'importe quoi qui peut faire avancer mon pays, qui est le Québec. Donc, et les alors, libéraux? Non, moi, je suis ouvert à n'importe quoi qui peut faire avancer mon pays, qui est le Québec. Alors, la CAQ? Moi, je suis ouvert à n'importe quoi qui peut faire avancer mon pays, qui est le Québec. Ah oui, tu vas aller au Parti québécois, toi aussi? Je sais pas. Oh, hein, Madame Marois, j'espère que vous prenez des notes, là. Lajoie, L-A-J-O-K-E. Un genre de Pierre Curzi du hockey, là. Un gars de Cowansville, en plus, là, ça serait assez winner contre Jean Charest dans Sherbrooke, maintenant. Ouais, ah ouais. Pourquoi pas? Pensez à ça, On va y réfléchir. Lundi, je suis tombé sur un grand moment de télé. Régent Breton, ancien prof de l'Université Laval, était chez Mario Dumont pour se plaindre de n'être jamais invité à Radio-Canada. Tout ça pour te dire que quand t'es gauche, il n'y a pas de problème. Ils m'ont, depuis que c'est connu que je suis à droite, jamais, bien sûr, jamais. T'es jamais, t'es PLD. Vraiment pas, vraiment pas. Oh non, c'est vraiment pas parce que Régent Breton traite ses adversaires de rats ou de petites putes ou parce qu'il dit « gauche » à tous les deux mots qu'il n'est pas invité à Radio-Canada. Non, non, c'est parce qu'une petite voix agressante de même, on en a déjà une ici. C'est qui? C'est qui? Continue. Mardi, c'était le grand jour de l'apocalypse informatique. On nous avait promis que les internets allaient manger une claque à cause du virus DNS Changer. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre là, si vous n'êtes pas un gourou des internets comme moi. Alors, demandons à François Charon, le Bruno Guglielminetti de TVA, de nous expliquer ce qui arrive chez les gens infectés. Quand ils ouvrent leur internet, ouais. L'ordinateur tourne par gauche, il tourne à droite puis se ramasse dans le serveur des parfums. Ah, okay. C'est en clair. Tout cas, moi, mon ordinateur a tourné à gauche puis a été épargné par les pas fins. Faut croire qu'à Radio-Canada, même les ordinateurs ont un biais gauchiste. Mercredi, j'ai prêté une oreille attentive à l'émission de Dominique Moret, qui sera une des têtes d'affiche de la toute nouvelle Radio X Montréal. Ben oui. Il sera le seul animateur de Québec à être aussi diffusé dans la métropole, dont il connaît le marché comme le fond de sa poche. Ceux qui veulent aller faire le bordel au cégep Édouard-Montpetit, ben... Les cours reprendront le 15 août. Cégep Montmorency le 16 août. Tout à Montréal, hein? Tout à Montréal. Cégep Saint-Jérôme, 16 août. Bois de Boulogne le 17 août, et ainsi de suite. OK. Tout les cégeps montréalais qui nomment sont en fait à Longueuil, Laval puis Saint-Jérôme, des banlieues qui sont pas exactement des bastions de la résistance communiste. Mais bon, il y aura le temps d'étudier sa géographie d'ici son entrée en onde. Il va juste falloir qu'il se pratique à dire Montréal sans qu'on ait l'impression qu'il est sur le point de vomir. Et parlant de contestation étudiante, là, en ce moment même a lieu une manifestation anti-humoriste devant le Métropolis où sont invités tous ceux qui veulent dénoncer le sexisme des Mike Ward, François Massicotte ou Marc Boilard. Hey, pauvre Mike Ward. Hein, pogné en deux feux. Les anarchistes manifestent contre lui, puis les rednecks le traitent de subventionné sur Facebook. Moi, ça roule en tabarnak. J'en fais du cash, j'en paye en esti de l'impôt. L'année passée, j'ai payé 125 000 pièces d'impôt. Tabarnak. Fait qu'arrête de me dire tu payes mon salaire. Asti, tu payes pas mon salaire. Non seulement tu payes pas mon salaire, Chris, c'est moi qui paye l'hôpital pour toi et ta femme et tes enfants. Bon, wow. Vous voyez, il est pas sexiste, Mike Ward. Il attache juste plus d'importance au salaire que les filles. C'est tout. Merci. Merci, Olivier. Depuis que les étudiants ont mis le Québec à feu et à sang, évidemment, je nomme Gabriel Nadeau-Dubois ici, oui. La honte s'est installée chez certains commentateurs qui ne s'y reconnaissent plus. Un récent discours de Jeff Fillion, que vous connaissez certainement, nous a d'ailleurs rappelé un classique du cinéma d'ici que notre DJ Phil Roberge a remixé. On écoute. Je suis un Nord-Américain, je suis pas un Québécois. Un Américain du Nord français. Je suis pas nécessairement un grand Canadien, je suis un Nord-Américain. Un francophone, Québécois, Canadien. Je parle la langue, je suis né au monde au Saguenay, j'ai des bouts de moi qui sont Québécois, mais gars, s'il y a quelque chose où que je peux mettre un X dessus, je t'écœuré. C'est ça, les Canadiens français. Une belle gang de sans-dessin. Je t'écœuré, ça veut pas dire que je vais déménager. Je vendrai pas tout de suite. Je m'arrêterai un beau condom, mignonne. Je suis plus fier d'être Québécois. Je le veux plus, le crise de drapeau. Je le veux nulle part. Veux-tu un lift? Tu as besoin d'un lift? Où c'est que tu vas? T'as beau sans ta chambre? T'as l'air en vert. Puis je veux pas le remplacer par la feuille d'érable. C'est pour ça que je vous dis, je veux plus avoir un signe, un logo du Québec proche de moi. Je veux plus qu'on me dise, t'es de Montréal, t'es de Québec. J'ai honte, c'ti. Un peureux, un jaloux, un paresseux. Un mangeur de marde! Regarde-moi le taton derrière des policiers. Regarde-moi les colons, aussi. Regarde-moi les colons. Hey, il y a des colons! On est entouré de colons! Va te faire couper les cheveux, le pouilleur! Quel montage! Bravo à Philippe Roberge. Parlant de pouilleux, on retourne parler avec notre journaliste terrain qui fouille pour nous le monde secret de la crème glacée. Oui. Jean-Sébastien, bonsoir. Rebonsoir. Alors, je suis toujours avec Alain, crémologue. Est-ce que c'est intéressant avec lui qui travaille dans la crème glacée depuis maintenant 30 ans? Il me dit être devenu un espèce de psychologue de la crème glacée. C'est-à-dire que maintenant, on n'a qu'à commander notre crème glacée. Il peut un peu deviner un peu notre personnalité en fonction de notre choix. Alors, si vous voulez, on va se prêter à un jeu. Par exemple, si Pauline Marois est ici, si, selon vous, quelle serait sa crème glacée favorite? Au bleu, mauvaise réponse, c'est la crème glacée à la pistache. La crème glacée favorite de Mme Marois. C'est vrai ça, Mme Marois? C'est tout à fait vrai parce qu'elle est verte, c'est la couleur de l'espoir. Ah. Oui, mais ah. Vous savez que c'est une crème glacée bien riche pour une ancienne ministre de la Santé. C'est pour ça que j'en mange juste une fois ou deux par année. Ouais, alors maintenant, on va se prêter au jeu avec le petit Gabriel Nadeau-Dubois. Selon lui, quel serait... sa crème glacée favorite. Rouge, sûrement, aux framboises. Mauvaise réponse. Ah. Vous avez trouvé la réponse bien plate. C'est une grosse molle à vanille. C'est ce qu'elle aime le plus. Non, c'est faux, en fait. Ah oui? C'est une petite molle à la vanille. Une petite molle à la vanille. Si jamais il venait ici, Gabriel, pour une petite molle à la vanille, est-ce que vous pourriez lui offrir gratuitement parce qu'il n'y a pas beaucoup de sous? Certainement, s'il y a son petit carré rouge. Oui, absolument. Et là, vous m'avez cuisiné des trucs pour que je puisse le rapporter en studio. Un cadeau pour Mme Marois, un cadeau pour le petit Gabi. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le cadeau pour Gabriel? C'est un petit gâteau à la crème glacée aux framboises. Carré rouge. Oui, en forme de carré rouge. Je ne sais pas si Mme Marois oserait manger le carré rouge. Bien sûr. Ouais. Sans aucune hésitation. Une fois qu'il est mangé. Pour manger le crémage. Jean-Sébastien, il y a Gabriel qui a quelque chose à dire. Je voulais dire, c'est l'avantage, c'est qu'une fois qu'il est mangé, on ne le voit plus. Ah! Oh! Mais on le porte encore plus. En soi. On le porte encore plus. Oui. Et vous avez aussi un petit gâteau pour Mme Marois? Certainement. Au bleuet. Un petit gâteau au bleuet. Je vais l'accepter au bleuet, certainement. Elle va l'accepter au bleuet. Alors, je vais aller vous servir ça tantôt avec une petite bière. C'est parfait. Ooh, wow. Petite bière québécoise. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Et surtout, n'allez pas vous baigner le ventre plein. Très dangereux, vous le savez, hein? On peut avoir une crampe, avaler de l'eau puis mourir. C'est... Ben, je le sais. Je le sais. Attendez une heure. Merci, Jean-Sébastien. Bye. Bye, Fred. Maman de deux jeunes enfants, elle a donc beaucoup de temps pour s'intéresser à l'actualité, mais surtout la nouvelle insolite qui, pour elle, est lourde de sens. Voici Léa Strelitzky! Léa! Oui. Merci, Fred, merci. En tant que maman, est-ce que vous avez le temps de prendre une bière? Est-ce que vous allaitez? Non, mais merci de me le demander. Devant ce gigantesque public, Fred. Non, c'est bon, j'en bois deux. Vous vous intéressez aux nouvelles insolites, Léa? Oui. Moi, essentiellement, je m'intéresse à tout ce qui n'a pas rapport. Hein. Mais évidemment, vu les journaux qu'on a, Jean-Philippe, je ne peux pas te rapporter tout ce qui n'a pas rapport dans l'actualité. Hein, parce que ce serait trop long. Puis comme Fred l'a dit, j'ai deux enfants. Ah oui, hein, puis toi, tu ne le sais pas, mais ça occupe. Hein. Toi, tu dis des choses comme « Oh là là, j'ai un travail et un chien, c'est je vrai. Suis tellement occupée », mais tu vois, déjà en partant, ça n'a pas rapport. Hein. Okay. OK, donc la nouvelle insolite oui. numéro un, oui. Ben, c'est Jean Charest qui nous déclenche des élections oui. quand ça y tente. Hein. Ouais. Donc, le 4 septembre, en imaginant qu'on va faire son bilan juste sur le mois d'août et non pas sur les 9 longues dernières années. D'accord. Je voulais te trouver plus insolite que ça. Il y avait la Coréenne qui a mangé 45 hot dogs en 10 minutes, mais je trouvais que avec Jean qui essaye encore de nous en passer une petite vite, tu sais, j'étais pas mal au top de ma game. Hein? High five, Pauline. Super. Yes. Ensuite. C'est vrai ça. Qu'elle recrute à Radio-Canada. On va se voir tantôt. Insolite numéro 2, ben c'est le Qatar hein, qui, aux oui. Jeux olympiques, va faire porter son drapeau par une femme. Bon, arrête évidemment, il va falloir qu'elle se voile la face oui. avec. Oui. Mais on se rapporte une femme. En même temps, c'est une, quand même encore une belle avancée pour la cause féminine. Hein. Ouais. Ensuite, la nouvelle insolite numéro 3, ben c'est des scientifiques qui affirment que les sirènes n'existent pas. Ben, je trouve ça bien qu'ils s'intéressent au fameux boson de Higgs, là, mais à un moment donné, il faut qu'ils se concentrent sur les vraies affaires. Et ils l'ont compris, les humanoïdes aquatiques n'existent pas. Par contre, les filles, je tiens à vous rassurer, il n'y a rien qui parle du prince Eric dans l'article. Donc, je pense que c'est pas mal safe de continuer à y croire. Ben, le prince Eric dans la petite sirène. Aucune idée. Fred. Tabarouette, les gars, il était temps que j'arrive. Est-ce que c'est un boson? C'est le boson d'Eric? Oui, c'est ça. Nouvelle insolite numéro 4. Oui. OK, ben, c'est la chronique d'Hugo Dumas dans la presse qui s'appelait Porno littéraire pour jeunes mamans. Ouais. Que des affaires qui vont bien ensemble. Hein, ouais. Parce que laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui donne plus envie de faire l'amour à une femme qu'accoucher. Hein. Ouais. Pour te donner un peu le top des turn-on, t'as Gabriel Nadeau-Dubois, puis juste en dessous, t'as accouché. Hein. Ah oui? High five, Gabriel! Ensuite, par contre, petit message de santé publique. Faire l'amour peut éventuellement donner à une femme très, très, très envie d'accoucher. Tout à fait. Hein? Donc, je me suis demandé pourquoi est-ce que Fifty Shades of Grey, ce fameux livre, plaisait tellement aux mamans. Bon, pour le synopsis, c'est l'histoire d'Anastasia, une fille qui est vierge à 21 ans, qui rencontre Christian, un gars qui est patron d'une multinationale à 27 ans. C'est deux protagonistes super crédibles. Donc, très 2011. Hein, en gros, il va lui promettre de mener une vie de millionnaire là, en échange d'une couple d'affaires olé-olé, donc un schéma amoureux somme toute classique. Puis, il la garde sous un régime assez strict. Hein. Il faut qu'elle s'entraîne 4 fois par semaine, qu'elle soit épilée en tout temps, ça dit pas de où par contre, et qu'elle dorme un minimum de 8 heures par nuit. Et c'est là que j'ai compris, Jean-Philippe. C'est sûr que si tu susurres à l'oreille d'une jeune maman, ma cochonne dort 8 heures en ligne. Il y a de bonnes chances que tu lui fasses plier le genou. Fait que je pense que c'est tout le temps qu'on a. Mais écoute, si tu veux, je te prêterai ce magnifique livre. Oui, s'il te plaît. Puis un coup parti, les gars, le DVD de La Petite Sirène, je vous le prête. Vous devez avoir ça, un lecteur DVD à Radio-Canada? Oui, tout à fait. Écoute, 2-3 facile. C'est pas mal ça. Merci beaucoup, Léa. Ben écoute, je t'en prie, ça m'a fait super plaisir. Est-ce que vous l'avez lu, ce livre-là, Mme Marois? Non, je ne l'ai pas lu. Ben, vous avez trois semaines pour le lire. Je pensais que je vais avoir trois semaines de calme et de tranquillité comme ça. Là. Prenez ça. Il paraît que c'est un peu sadique, cette affaire-là. Ça va vous aider pour faire dire des choses méchantes aux gens. Moi, j'aime mieux les polars et les beaux romans d'amour. Ah bon, ben on fera ça pendant l'été. Okay. Je vous remercie beaucoup. Et c'est tout. C'est déjà tout pour la soirée est encore jeune. On vous invite quand même à rester à l'antenne parce que dans quelques minutes, Monique Giroux fait une scène en hommage à Piaf avec Luce Dufault, Laurence Jalbert et Marie-Hélène Thibert. Quand même, vous allez rester à l'écoute. Oui, Gabriel? Tout à fait. Bon, parfait. Immédiatement après, c'est Bande à part animée par Élodie Gagnon. Ils vont faire l'autopsie de la photo des manifestations étudiantes qui a fait la une du Courrier international, vous l'avez vu, avec la jeune étudiante qui était en une et le photographe qui a prise la photo. J'imagine que vous allez être plus intéressé par la fille qui est en une que le photographe. C'est dommage quand même. Il y a eu juste quelques manifestations nues et puis on a fait une fixation avec ça. C'est... Je ne comprends pas. Ben, moi, je comprends. Alors, merci. Merci à toute l'équipe. C'est son côté macho. Oui, c'est ça. Ainsi que Julie-Christine Parent, notre stagiaire Nicolas Arguindé, Sylvain Brunet et Émilie Bilodeau. Et une bonne main d'applaudissements à notre animateur Jean-Philippe Vautier. Bravo. Bravo. Merci. Et évidemment, un immense merci à nos invités, Gabriel Nadeau-Dubois. Bon été, bonne tournée et bonne élection. Hein? Ouf, merci. Et Mme Marois, de belles vacances dans les prochaines semaines de juillet et surtout un bon mois d'août. Et quant à nous, ben, vous pouvez nous suivre sur Twitter à twitter.com la soirée ou nous réécouter grâce à notre balado qui est disponible sur le site de Radio-Canada. Vous nous écrivez si vous voulez assister à notre prochaine émission vendredi prochain, 19h, pour une autre soirée qui sera, on l'espère, encore jeune.